at Revolution Music. N'attends donc pas les hommes. Donc toi tu vas rien faire dans ta vie. Eh ma chérie, pas de ça. Tu comptes sur ta beauté. Mais beauté là ça finit en eux. Y'a rien dans rien vivé. Tu vis ta vie au crochet de tes amis. Et tu oublies que la vie c'est pas au brouillon. Si maintenant tu ne s'aimes pas, tu ne vas pas récolter de même. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Alors mieux vaut chercher ta manie, oh, ta manie, oh. Les manies que te donnent toi ton jersey. Femme indépendante, si tu lèves tes mains. En bas, tu n'as rien dans tes poches. Tu mènes une vie de débauche. Cette vie, tu t'accroches. On t'a fait tant de reproches, mais tu veux rien. Entretien d'embauche, ça te dit rien. Entrepreneuriat, ça te dit rien.